myself. Très bon début de soirée sur Fadjet, il est 17h. Une fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur le 94.2, peut-être sur le net, je ne sais pas, sur www.fadjet.net. Bienvenue dans un coup d'œil dans le rétro. Nous sommes le vendredi 22 juillet 2016 et une fois par mois, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs, les sorties au niveau local et national. C'est simple, hein, c'est une émission où on vous parle du passé au présent. Mes partenaires de jeu depuis cette année, maintenant nous sommes trois à la direction de cette émission, on peut le dire ainsi. Et il y a d'abord Anaïk, bonjour à toi Anaïk. Bonjour à tous. Ça va? Oui, très bien, merci. Et il y a aussi Jack. Hey, bonjour à tous. Ça va Jack? Ouais, j'ai la pêche. De tes voyages. De mes voyages. Incessants, oui. Oh, il nous nargue avec ses voyages. Je vous nargue. C'est un globe-trotteur. Oui. Fait. Alors le programme du jour Anaïk? Alors au programme donc de cette dernière émission, est-ce qu'on n'a pas dit, mais enfin c'est la dernière émission avant qu'on parte en vacances. C'est vrai, c'est la dernière émission de la saison. Un petit peu triste, mais du coup aujourd'hui on a une invitée féminine qui s'appelle Lucie. Bonjour Lucie. Salut, salut. Lucie qu'on rappelle qui vient nous voir, notamment pour les visites de Lucie. Et c'est une visite de Nancy, du Nancy 1900, c'est comme ça qu'on peut, voilà, on peut l'appeler. Voilà, je plonge les visiteurs dans le Nancy 1900 à travers les vestiges architecturaux. D'accord, on va en parler d'ici quelques instants. Donc, quoi d'autre au programme? Alors, gros programme. Donc ensuite, on parlera bien évidemment, et comme à l'habitude, de déco, de mode. Et puis, Jack nous fera aussi une chronique. On va parler vélo. Voilà, les maillots jaunes, le maillot jaune, ouais. Je suis le meilleur poids. Le meilleur poids. Et puis, on finira comme d'habitude encore, donc sur les sorties qu'il y a à faire dans la région, donc sur le mois de juillet, sur le mois d'août. Voilà. Donc, un beau programme pour cette dernière émission de la saison. On a un petit passement au cœur de vous laisser, mais on vous retrouvera bien sûr à la rentrée pour une nouvelle saison. Mais aujourd'hui, on lance, il est 17h02, c'est un coup d'œil dans le rétro. Alors, notre invitée du jour, Lucie Collot, peut dire ton nom oui, de famille, bien c'est sûr, trop tard. C'est trop tard. Alors, on va faire la petite présentation de Lucie. Alors Lucie, donc tu m'arrêtes si je me trompe. Donc tu es une jeune femme donc originaire de Lorraine, vivant à Nancy, passionnée d'art nouveau et d'art déco, si je ne m'abuse. Tu as été diplômée donc en 2014 d'histoire de l'art à l'université donc de Lorraine. Tu es aussi artiste peintre, donc aquarelliste. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Et donc tu travailles au musée de l'école de Nancy depuis ça va faire 3 ans, et également à la Villa Majorelle. D'accord, donc tu travailles aussi là-bas. Et donc tu es historienne de l'art, guide conférencienne et passionnée donc par l'école de Nancy. Que de talent, je me casse. Hein, ouais, il y a trop de trucs à dire en fait. Nous sommes ridiculisés. C'est bien résumé, merci. Nous partons. On a fait ta bio en 3-4 phrases. Donc Lucie, donc effectivement, tu es là donc pour parler un petit peu des visites de Lucie que tu as créées depuis combien de temps? Alors explique-moi. Eh bien, ça fait quelques mois, j'ai lancé ma première visite de Lucie, c'était le 1er avril. Donc c'est tout récent, tout frais. D'accord. C'était pas un petit poisson d'avril, non? Non, pas du c'est tout. C'est bien vrai. D'accord. Donc il y a quelques mois, tu as envie de faire partager ta passion donc au public, aux gens. Est-ce que quelle est la différence entre les visites de Lucie et les visites, je dirais, d'un guide à qui touristique, on pourrait faire appel? Voilà. Quelle est la différence? Comment se passe une visite avec toi, en fait? Déjà, on a affaire à Lucie, ce qui est déjà exceptionnel. Voilà. Donc, allez la voir. On est sur la page Facebook. Oui, hein, vous pouvez la voir, Lucie, qui est déjà exceptionnelle, effectivement, de par elle-même. Alors, je pense que mes visites, c'est pour les gens qui sont passionnés d'art nouveau, d'école de Nancy, qui aiment ce style et qui ont envie de faire des balades pédestres charmantes, conviviales, en ville, en se baladant. C'est vraiment un nouveau regard, penser à observer notre architecture. Et c'est vrai que j'apporte beaucoup d'anecdotes, des documents d'époque, des histoires. J'essaie de faire vivre au maximum mes visites. D'accord. Donc, j'ai vu aussi, sur, en me renseignant un petit peu, donc, que tu proposais notamment des parcours, en fait, si j'ai bien vu. Six c'est parcours. Ça, pour le moment, j'en ai six. Voilà. Donc, qui se déroulent sur une durée de combien de temps, en fait? Eh bien, ça se développe en petit circuit, une heure et demie, ou grand circuit, entre 2h et 2h30. C'est vraiment pour vraiment s'allier à tous les types de marcheurs. Voilà. Est-ce que tu es une passionnée de marche aussi? Eh bien oui, j'aime le sport, oui. La rando, marcher. J'utilise très peu, voire jamais, les transports en commun. Et de ne pas les emprunter, ça permet de redécouvrir la ville. D'accord. Il n'y a rien de tel pour découvrir une ville que de marcher. C'est ça. Bah, je pense qu'il y a des fois, c'est vrai que nous, on s'en rend compte, effectivement, à pied. Des fois, on découvre des rues ou des bâtisses ou des bâtiments en fait qui sont complètement insoupçonnés, qu'on voit pas en fait quand on est en deux roues. Et c'est vrai que, à mon avis, je pense qu'une visite guidée effectivement avec toi, c'est aussi pousser un petit peu les murs, pousser un petit peu les sentiers et aller voir découvrir des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, quoi. Des visiteurs connaissent des rues mais ils ne les ont jamais empruntées à pied, et là en marchant on prend le temps de s'arrêter, de voir, de regarder, alors qu'en voiture et en bus ça va tellement vite que... Non mais ça, parce qu'on dit touristique, mais moi je pense pas forcément, c'est aussi pour nous les habitants de notre ville qui ne regardent dont absolument plus rien, qui allons d'un point A à un point B en 5 minutes précises, hein, je pense, parle de moi, et qui ne lèvent plus forcément la tête et qui regardent plus ce qui se passe autour de moi et qui ne connaît absolument pas particulièrement Nancy plus que ça. Mais c'est vrai que j'aurais pu m'appeler guide nancéenne, ça aurait été pas mal. Ouais. C'est ça, parce qu'effectivement, ça ne concerne pas simplement les gens qui viennent découvrir la ville, mais aussi nous, on peut se la réapproprier et la voir différemment, parce que est-ce qu'on la connaît vraiment? Je ne sais pas. Bah après, moi je prends mon cas par exemple, qui ne suis pas nancéenne et qui vient de Normandie, je pense que je ne suis pas la seule. Il fallait le placer. C'était le moment de placer la Normandie, messieurs-dames, nous fermons. Non, mais c'est vrai, Nancy, une ville assez étudiante aussi. Il y a pas mal de gens qui viennent d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un bon moyen aussi de découvrir la ville dans laquelle on va habiter, soit pour les études, ou soit pour moi, bon, pour un petit peu plus longtemps, quoi. Mais ça peut être aussi un bon moyen, effectivement, de découvrir la ville où on habite. Ouais. Et petit clin d'œil, mes premiers visiteurs des visites de Lucie étaient normands. Voilà, mais je te dis, les normands, en fait, c'est les meilleurs. Ils sont partout. Ouais. Alors, tu as eu des idées de t'associer à d'autres gens ici, des acteurs locaux, pour enrichir tes visites? Alors, notamment, là, on parlait du pique-nique, mais peut-être. Futur. Alors c'est évident, moi je veux des partenaires, des collaborations, des amis, des copains, faire vivre Nancy en fait. Ouais. Il y a tout un réseau de jeunes entrepreneurs, je peux citer Pidelis, Curionomie, Vcom Vintage, Le Petit Français, vraiment mêler tout ça et créer d'autres événements par rapport aux visites de Lucie, mais qui revalorise. C'est ça aussi, je pense aussi la plus-value et l'originalité. On parle à Vcom Vintage, c'est beaucoup de la déco rétro, de la petite brocante des années 50 et 60. Donc là, moi, j'ai pu voir les photos. Donc vous étiez installé dans un parc de la Cure d'Air Saint-Antoine. Donc c'est Vcom Vintage qui avait installé des tables, des chaises, des fauteuils. C'était hyper agréable, ça collait parfaitement au côté champêtre pique-nique. Les gens sont arrivés là, on a pu s'installer, on était à l'ombre, au frais, c'était super. C'est ça que je trouve génial justement, c'est justement de travailler avec d'autres gens et puis en même temps de faire découvrir et pas d'être seulement dans son activité propre et pour soi. Oui, il faut s'ouvrir de toute façon, pour réussir, il faut s'ouvrir. Alors on va faire une petite pause, une première pause musicale Lucie, après on va continuer de parler avec toi dans un deuxième temps, pardon, parce qu'on a encore beaucoup de questions à te poser. Il est 17h08 et bien on va s'écouter un petit titre de Sacha Distel. Pourquoi Sacha Distel, me direz-vous? Parce que c'est la date anniversaire de son décès aujourd'hui, le 22 juillet. Il est décédé. Il a fait un premier tube en 1952. Et lequel, dites-moi? Et Scooby-Doo-Bidou. Exactement, mon ami. Scooby-Doo-Bidou de Sacha Distel. On se retrouve juste après ça. On est ensemble pendant une heure. Alors ça passe très vite. Et restez avec nous sur Fadjetta. Scooby-Doo-Bidou-Ah. Scooby-Doo-Bidou-Ah. Scooby-Doo-Bidou-Ah. La rencontrant chez des amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires et des Scooby-Doo-Bidou. Pommes, poires et des Scooby-Doo-Bidou. Scooby-Doo-Bidou. On a dansé toute la nuit, puis au jour, on est parti chez moi discuter de l'amour et des fruits. comme elle se trouvait bien chez moi. Aussitôt, elle s'installa, et le soir, en guise de dîner, elle me faisait manger des pommes, des poires, les scooby-dooby-oo. Ça ne pouvait pas durer longtemps, car les fruits, c'est comme l'amour, faut en user modérément, sinon ça joue des tours. Quand je lui dis, faut se quitter, aussitôt elle s'écria, mon pauvre ami, des types comme toi, on en trouve par milliers. Facile à deviner, célibataire, vaut mieux rester plutôt que de croquer des pommes, des poires et des scooby-dooby-oo. Ah, pommes, pommes, poires, poires et des scooby-dooby-oo. Ah, scooby-dooby-oo. Ah, scooby-dooby-oo. Scooby-Doo de Sacha Distel, ce tube de 1959, qui donc Sacha Distel qui aurait eu 83 ans aujourd'hui même. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors, vous êtes à l'écoute de Fadjet, bien, on vous souhaite la bienvenue. Vous êtes on est ensemble pendant une petite heure. On vous le rappelle, c'est le troisième vendredi de chaque mois. Et ce vendredi 22 juillet marque la fin de notre saison 2015-2016. On se retrouvera au mois de septembre avec encore plus d'invités. Déjà qu'on est passé sur un format de une heure depuis quelques temps, parce qu'on avait encore de plus en plus de choses à dire. Et l'actualité rétro en Lorraine est quand même fournie, il faut le dire. Alors, on va chercher des choses, mais il y a de plus en plus d'initiatives autour justement de ce monde-là, le monde rétro, si on peut l'appeler ainsi, parce que vintage, c'est un nom moderne, on peut dire. Oui, rétro, je lui trouve un petit peu un côté un peu. Ça peut avoir un côté un peu désuet, mais je trouve que c'est le bon mot approprié. C'est le bon terme parce qu'on balaye un petit peu toutes les époques et on reçoit des acteurs de tous univers. C'est la vrai. Preuve étant aujourd'hui avec Lucie. Et surtout, on n'est pas des spécialistes et des fins spécialistes, donc n'hésitez pas à nous apporter votre expertise en la matière, tout simplement en allant sur notre page Facebook, un coup d'œil dans le rétro, et vous nous mettez vos structures, vos événements, et donc nous on les relaiera au sein de cette émission. Alors on poursuit, on a toujours une chronique qui concerne la déco chaque mois, et là ce mois-ci c'est la lavalampe, ou en français la lampe à lave. Gros succès. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la lampe à lave. Je suis sûre que oui. En fait, la lampe à lave, c'était le luminaire un peu star des années 60 et 70, inspiré du pop art et de ses couleurs un petit peu flashy. On peut dire aujourd'hui que la lampe à lave a traversé un petit peu tous les âges. Alors, je vous accorde en fait qu'elle est plus destinée un peu à la déco plutôt qu'à l'éclairage, parce qu'effectivement, on ne voit pas grand-chose en fait avec cette lampe à lave. C'est la multiplication des lampes à lave qui fait une vraie lumière. Ouais, peut-être. Et en fait, la lampe à lave, donc, c'est un peu l'objet déco par excellence pour une ambiance un petit peu 70s. Donc moi, j'aime bien et j'avais envie qu'on revienne dessus. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la naissance de cette lampe? Alors, la première lampe à lave s'appelait la lampe Astro, parce que c'est vrai que les créateurs, les designers donnent toujours des noms à leurs créations. Et à cette époque, dans les années 60-70, le thème un petit peu de l'astronomie, de l'espace, était aussi très tendance. Donc, cette lampe a été inventée par Edward Craven Walker, donc qui était un Britannique, en 1963. Il a fondé aussi son entreprise et marque britannique Matmos, qui vend encore aujourd'hui les lampes à lave. Donc, il a eu l'idée en regardant tout simplement un sablier. Et le design original en fait, de la lampe, lui, a été basé sur le modèle un peu d'une bouteille un peu d'orangeade. Ouais. Donc, je pense pas que ça soit Orangina à l'époque, mais je pense que ça, voilà, ça, ça avait la même forme en fait. C'était petit. Ah, c'est peut-être, ouais. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Tiens. Donc, le fonctionnement de cette lampe, en fait, tout simplement, l'ampoule qui est située dans la base de la lampe, en fait, chauffe un espèce de liquide coloré. C'est ça. Et en fait, une fois que ça a atteint une température, une bonne température, en fait, le fluide forme des espèces de bulles. De bulles de couleur, un peu. De cire fondue, ouais. Qui montent tout doucement, puis qui redescendent. C'est vrai que c'est pas vendeur, des bulles de. C'est une réaction chimique. Non, mais moi, je trouve ça vachement zen à regarder. Enfin, je sais pas non, si. Si, ouais, c'est très sympa. C'est reposant en fait, oui, je trouve. Hein. Donc voilà. Le prix neuf quand même de la lampe arabe, donc la lampe Astro, ouais. Aux alentours de 90 euros neuf. On peut peut-être en trouver d'occasion quand même, hein, dans les brocantes ou les... Non. Alors, d'occasion, il y a beaucoup de rééditions, mais ça, je voulais juste en parler à la fin, mais il y a beaucoup de rééditions qui sont faites parce qu'aujourd'hui, on en trouve à 10, 15 euros dans des grandes chaînes, mais c'est pas des. Voilà, c'est moche. C'est pas de l'authentique, oui, en fait. Pas de l'authentique. Voilà, donc, non, puis elles sont, je trouve, mal faites. Enfin, c'est pas la même. C'est du chinois. C'est pas sur ça. Je sais pas le dire, mais. J'ai rien contre les chinois ni contre les normands, mais. Alors, il y a notamment plusieurs modèles de la lampe à lave. Il y a l'Astro Baby. Oui, donc l'Astro Baby, en fait, c'est la petite sœur hein, de l'Astro. C'était le deuxième modèle, en fait, la lampe qui a été créée en 1964. Cette lampe, donc, est un peu plus petite, donc a une ligne un peu plus affinée et avec une base et un couvercle, en fait, lustré, en fait, pour une finition un peu plus éclatante. Par contre, elle est un peu moins chère. Neuve, toujours, elle était au prix de 76 euros. Il y a d'autres lampes aussi qui ont été créées. Il y avait la lampe à lave en forme de fusée. Je ne sais pas si vous visualisez. Ouais, et c'est exactement la fusée de Tintin. Voilà. Donc, c'était en fait la lampe Telstar, en fait, elle s'appelait. Et c'était inspiré de la course à la conquête de l'espace. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, qui a marqué pas mal quand même ces années 60, qui était un peu plus cher, donc en neuf, aux alentours de 100 euros. Il y en avait une aussi qui était alimentée par une bougie. Oui, qui s'appelait la Fireflow R1. Donc, oula, attention, là, on a l'impression que c'est une Formule 1, la machine. Donc en fait, c'est une lampe de petite taille non, qui a été créée en fait, pour la célébration du 40e anniversaire de la conquête de la Lune. Donc on y revient. Il suffisait juste de placer donc, une petite bougie comme un chauffe-plat en fait, à l'intérieur de la fusée et en fait, la lave commençait à se former. D'accord. Donc voilà, elle était un peu moins chère, aux alentours de 48 euros. Il y avait aussi, alors la plus grosse, c'était la lampe à lave Monster, donc qui, elle, par contre, était un grand tube, en fait, qui mesurait plus de 2 mètres de haut. Et par contre, là, au niveau prix, on s'enflamme complètement. Là, on est bien au niveau du prix. Hein. 2570 euros. Ouais, donc ça, c'est... Un petit investissement, hein. Je pense que si les gens ont ça aujourd'hui chez leurs grands-parents ou leurs parents, je pense qu'il faut la garder parce que c'est un vrai trésor. Cette grande lampe, en fait, en tube, elle est belle. Et je pense, par contre, qu'elle éclaire un petit peu plus, effectivement. Alors, où on peut en trouver? Alors, où on peut en trouver? Comme je le disais, il y a des sites de vente tels Amazon, etc., qui en vendent pas mal, mais évidemment c'est de la réédition, c'est de la copie. Après il y a des sites d'enchères qui existent. Je dirais que pour les premières c'est aux alentours d'une centaine d'euros. Maintenant pour des lampes qui datent de l'époque, je pense j'ai pas réussi à trouver de prix en fait. Les gens mettent aux enchères en fait, donc on sait pas, mais voilà, je pense que c'est plus cher que 100 euros. Donc à mon avis c'est des vrais petits trésors si vous en avez chez vous, si vous il en faut trouvez. Les garder. Merci à toi Naïk. D'ailleurs une petite question Lucie, est-ce qu'il y a un style d'année particulier qui te tient à cœur en termes de déco? Déco, non, chez moi c'est éclectique. Chez toi c'est éclectique, ouais. Mais t'es moderne au niveau de la décoration? Pas du tout, non, plutôt vieux, plutôt, ouais, vintage un petit peu, rustique, de la récup. Voilà, t'es plus dans le fait de donner une deuxième, voire une troisième, voire une quatrième vie au mobilier. Bon, pas d'accord, et les années 70 aussi, 70, ça te plaît aussi? Moi, c'est-à-dire toutes ces colorés orange, toutes ces couleurs flash. C'est spécial, hein. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est pour ça justement que je te posais la question. Eh bien, les amis, on va s'écouter un petit titre. D'ailleurs, c'est en référence notamment à un événement qui va avoir lieu ce week-end. C'est notamment, le club Saint-Lambert hein, qui organise un dimanche en 1920 et il fait intervenir un musicien américain exceptionnel, Ethan Huslan, qui est déjà ici en Lorraine depuis mercredi, triple champion du monde. De piano jazz style 1920 et il fera aussi résonner notamment la musique des années folles, accompagné d'un big band de 10 musiciens, le grand jazz de la rue Sigisbert. Là on va écouter un titre qui lui appartient, c'est Nagasaki, c'est un arrangement de Harry Warren et notamment aussi avec Harry Warren et Mort Dixon de 1928, pardon, interprété en 2009 au piano par Ethan Huslan. On s'écoute ça, on se retrouve juste après. Un musicien donc américain, triple champion de piano jazz style 1920, qui sera là eh bien, pour un dimanche en 1920. Ça se passe à l'auditorium de la Pépinière. C'est un événement bien sûr à ne pas manquer, de 10h à 19h. Je vous reprécise très rapidement ce que vous pourrez y trouver pendant cette belle journée: des voitures de collection, vêtements d'époque, magiciens, initiation au charleston, spectacle de claquettes, vendeurs de vinyle, foire aux monstres aussi, c'est important de venir aussi pour voir cela, bien d'autres activités encore. Et il y aura un concours du plus beau costume rétro. Ce sera un vrai retour, dans le temps. L'entrée est libre. Les animations en continu toute la journée. Buvette et restauration sur place. Pour plus d'infos, eh bien, ce sera sur la page du Club Saint-Lambert. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors, on poursuit notre émission les 17h23, mes amis. Ceux qui sont en vacances, bah, profitez-en, hein, bien sûr. Ceux qui ne le sont pas encore, ils vont peut-être arriver ou pas du tout, je ne sais pas. Ça dépend de vous, mais tout du moins, en ce moment, on peut profiter quand même du beau temps à Nancy, donc c'est plutôt sympathique de ce côté-là. Et notamment, pour profiter aussi des visites de Lucie qui, elle, reste ici pendant tout l'été, qui ne passe pas de vacances, exclusivement pour vous faire profiter de ces visites, Lucie, c'est ça ? Voilà, exactement, je ne pars pas, je suis à votre disposition. À votre disposition. Alors, on parlait justement... Alors, je sais pas, je viens en groupe, en famille, j'ai envie de faire. Est-ce qu'il y a une limite de nombre de gens? Alors, le minimum, c'est 2 personnes. D'accord. Et ça peut aller jusqu'à 35 groupes, et ça dépend aussi des endroits. Mais c'est vrai que je m'adapte à la demande, ça peut être familial, un public scolaire, groupe, entreprise, touriste, vraiment, je m'adapte. C'est ça, tu t'adaptes à la demande. Alec, oui, les visites, en fait, se font essentiellement le week-end, ou on peut... Alors non, du lundi au dimanche, en fonction de mes disponibilités et des disponibilités des gens. C'est ça qui est assez intéressant, on s'adapte, voilà. D'accord, donc c'est vraiment des visites personnalisées. On peut faire des visites à la carte, en fait. C'est exactement ouais, ça. Voilà. Et tu arrives à pallier donc avec ton autre métier, avec te, parce que tu as plusieurs... Alors là, j'ai plusieurs activités, d'autres que vous ne connaissez pas, mais oui, c'est vrai que j'arrive à tout goupiller, et c'est ça l'intérêt, comme ça je peux continuer à faire mes activités passion. Voilà, c'est un bonheur. Mais t'as pas de vacances? Non, là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, mais c'est le jeu, quoi. Oui, bah oui. Et c'est voilà, ça, puis c'est en plus, le jeu, quand ma pauvre dans l'activité, bah oui, effectivement. Et puis, il y a de la passion dans tout ça, donc ça ouais, prend le. On n'a pas d'obligation à faire ses passions. Donc, oui, tu voulais dire quelque non, chose? Non, je voulais dire aussi, justement, parce qu'on parle de vacances et donc on est en été. Sur cet été, en fait, il y a une petite particularité sur les visites, en fait, c'est que tu proposes aussi donc, les pique-niques, en fait, qui se rajoutent donc, au parcours, à tous les parcours. Comment ça se passe? Alors, c'est en fait, ça. Cet été, il y a 2 visites pique-niques, donc inédites. Donc, ouais, je propose la visite guidée autour du cimetière de Préville, mmh, et à la fin j'emmène les visiteurs au parc de la Cure d'Air Saint-Antoine pour déguster des mets délicats, des breuvages. Et là, la deuxième date, la dernière de cet été 2016, c'est le 10 août. Donc d'accord, il faut absolument réserver, il reste 5 places. Ah, alors, oui, d'accord. Du coup, comment on fait si on veut réserver par exemple pour cette date? Eh bien, soit aller sur mon site www.lesvisitesdelucie.com ou bien me contacter par téléphone, mail, vous trouvez tout sur internet. Il y a tout effectivement, d'ailleurs on va relayer hein, tout ça sur la page Facebook de l'émission, les visites de Lucie, une page Facebook, une page Instagram, il y a un mail et un numéro de téléphone. On a encore quelque chose à lui demander, à Lucie? Bah oui, on n'a pas, enfin je pense que c'est un petit peu important aussi, c'est au niveau des tarifs, c'est quand même des petits tarifs. C'est vrai, alors les petits circuits c'est 8 € par personne, et grands circuits 16 € par personne. Ouais, donc sachant que si on dépasse 12 personnes les groupes, ça descend à 5 € par personne. Mon Dieu. D'accord. Donc ouais, oui, c'est tout, mais je voulais garder une accessibilité, voilà. Certains ah oui, diront que c'est cher, d'autres pas assez, mais au moins... Celui qui dit que c'est cher, c'est quand même mal. Certains, c'est oui, quand même après mal ça dépend des bourses. Hein. Oui, mais bon, ouais, mais pour une heure et demie, voire 2 heures de visite... C'est pas possible. C'est, oui, en plus, c'est ça. Donc, en plus, il y a une attention particulière hein, par rapport à un guide comme oui, ça, lambda. Donc, effectivement, non, c'est pas cher du tout. Est-ce qu'il y a d'autres parcours que tu projettes? Est-ce que moi, si j'ai des choses à te montrer que tu ne connais peut-être pas, est-ce que je peux te contacter aussi pour ça? Alors, bien sûr, là, je suis en train d'essayer de rentrer dans des lieux privés pour avoir des documents, des photographies. Certains m'ont déjà contacté parce qu'ils ont envie de raconter l'histoire de leur bâtiment, l'histoire familiale, donc ça c'est intéressant. Et à travers mes visites, à chaque fois j'arrive à greffer de nouveaux lieux, de nouveaux regards, et ça c'est important. Donc oui, si vous avez un lieu particulier, si vous avez des questions, une bâtisse Art Nouveau, oui, je suis à l'écoute de toutes les remarques. Et pour le coup, c'est vrai qu'effectivement, tu t'adaptes et tu vas améliorer d'année en année tes visites. Et là, ça sera vraiment encore plus original parce que tu vas aller dans des choses que personne ne connaisse. C'est ça. Et là, en tête, j'ai déjà 2 nouveaux parcours. Par exemple, un nouveau parcours entièrement art déco. Oui. Enfin, vraiment, à Nancy, il y a de quoi faire. Il y a de quoi développer plein de parcours spécifiques, thématiques. Moi, j'apprends rien qu'à toi en regardant tes pages déjà, donc sans être suivi. Oui, ah oui, alors là, rien que sur le site déjà. Quand ah oui, faut pas hésiter à aller sur la page Facebook dessus, parce qu'on en découvre des choses assez c'est exceptionnelles. Gentil. Non, mais c'est vrai, donc du coup, c'est important pour ça les réseaux sociaux parce que moi-même, j'ai tendance, j'ai commencé à lever la tête dernièrement grâce à toi parce qu'on était dans le coin de la Villa Majorelle. Et, oui, et donc, voilà. Et par exemple, cet après-midi, j'étais au Conseil Général et c'est les locaux de l'ancien hôpital militaire. Et il y a encore quelques vestiges, mosaïques, chapelles, etc. Donc c'est vrai qu'après, il suffit de s'y mettre, de créer une visite, etc. Et les gens sont demandeurs hein, c'est vrai, de découvrir le patrimoine. Alors on vous le redonne, c'est lesvisitesdelucie.com. Vous allez aussi sur sa page Facebook, les visites de Lucie. Et vous en saurez un petit peu plus sur elle. Elle continue d'être avec nous encore une petite demi-heure. Ça marche encore? Oui, ça marche. On a encore des choses à partager avec toi. On va s'écouter un titre, Anaïk. Allez, on s'écoute. On s'écoute quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ah mais ça serait pas le grand Serge? Bah c'est lui, c'est lui-même, avec ses vieilles canailles. Allez, vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro, mes amis, on est ensemble jusque 18h. Notre Serge nous tient à cœur, vieille canaille. à bras ouverts. Les canailles. Tu avais toujours ton couvert, les canailles. T'as brûlé tous les tapis. Tu t'es couché dans mon lit. Tu as bu tout mon porto. Les chameaux. Puis, je te présentais ma femme. Présenter ma femme, vieille canaille. Tu y as fait du baratin, tu l'as embrassé dans les coins. Dès que j'avais tourné le dos, vieux chameau. Tu étais parti avec elle, vieille canaille. Tu es parti avec elle, vieille canaille. En portant la vaisselle. Dessus de lit en dentelle, engendré et un rideau, et j'ai sorti mon fusil, et canaille. Et j'ai sorti mon fusil, et canaille. Quand je te tiendrai au bout, je rigolerai un bon coup, et je t'aurai vite refroidi. Gainsbourg, vieille canaille. C'est plus qu'une radio, Fadjet. Alors oui, Fadjet, c'est plus qu'une radio, c'est aussi une maison. Une maison où on accueille beaucoup de gens et aussi de nombreux nouveaux animateurs. D'ailleurs, un appel est lancé à la rentrée. On en cherche ceux qui sont intéressés pour faire de la radio. C'est pas qu'on en cherche particulièrement, mais il est possible de pousser les portes de la radio comme ça, d'y venir naturellement et de dire, bah voilà, j'ai envie de faire une émission, j'ai envie de tester bien le monde, d'entrer dans le monde de la radio et j'ai envie de savoir ce qui s'y passe. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Vous venez simplement au 47 de la rue Charles III à Nancy et les portes de la radio vous seront ouvertes ou tout simplement nous contacter aussi sur contact@fadjet.net. Et on va en profiter d'ailleurs pour faire un petit coucou à nos auditeurs qui nous écoutent aussi parfois de loin. Et il y a notamment Morgane qui, je crois, oui, est à La Rochelle, qui nous écoute souvent parce qu'elle n'a elle a pas beaucoup d'événements rétro dans son coin. Et donc voilà, on lui fait un petit coucou aujourd'hui. Elle nous suit aussi. Et à ceux qui ont peut-être liké la photo sur la page et qui sont peut-être aussi à l'écoute, Sandrine, Philippe, Julia, Florian, Anthony, Jack, Cédric, Jean-Luc aussi à qui on fait un petit coucou, notre technicien, et on lui souhaite un prompt rétablissement, Damien, Isabelle, Thomas, Julien, Arnaud, Laetitia, voilà. Providence aussi, et Providence. Notre célèbre Providence, amateur de Slipgate qui nous écoute depuis l'Angleterre, et Mathieu qui fête son anniversaire 35 ans aujourd'hui, Mathieu de Paris. Bon anniversaire Mathieu. Merci pour le chèque. À Mathieu. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre page et aussi surtout à nous proposer des titres. Hein. On essaye d'être variés au niveau de la musique et de la programmation musicale. Et donc n'hésitez pas à nous proposer des titres. Vous avez envie d'écouter. On est aussi un peu là pour ça. C'est des petites dédicaces à l'ancienne comme dans les années 80. Allez. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et bah d'ailleurs, la personne que vous entendez rire nous a rejoint. Alors comment tu nous as rejoint toi déjà? Bah, il Jack, s'est appelé incruste. Comment ça s'est passé? Oh, on avait discuté entre moustachus une fois, et puis tu m'as demandé de venir en invité, donné de l'argent. C'est vrai. Il en manque un petit peu. C'est fou. Parce que voilà, il faut quand même payer les auditeurs, et voilà, je suis venu. Et t'es venu comme ça, on le rappelle, Jack aussi, qui a de nombreux blogs, notamment Jack fait un blog auto.fr, Moustache et Fourchette. Et aussi qui correspond, qui est aussi dans la dynamique de notre émission, à Rétro Passion Automobile. D'ailleurs, le prochain, il sort quand? Ah, il est sorti le 8 juillet. 8 juillet, voilà, qui est magnifique. Dans les kiosques, et tu t'occupes aussi du blog. Je m'occupe du blog Rétro Passion, le blog. Et t'écris aussi sur le magazine. Voilà, ouais, j'ai 3 articles là dans le dernier. Dans le dernier. Tout à fait. Et bien justement, donc c'est la chronique de Jack et c'est le jour, c'est aujourd'hui qu'il va nous parler bien de vélo. Et car fabriquer des vélos, comme on fait des sculptures, emblème de liberté. Alors, Jack. Ah oui, donc j'avais décidé de vous parler vélo et ça tombe très bien parce qu'on apprend à l'instant que Romain Bardet vient de gagner une victoire française au Tour de France. Romain Bardet, âgé de R. Et il prend la deuxième place, donc Cocorico. Oh, il est de la cinquième à la deuxième, là. Exactement. Ah, bah, et oui, Chris Froome est tombé. Ah, il est tombé. Et il s'est relevé le bougre, mais bon. Il est toujours premier. Romain est à la fuite. On peut vous laisser, hein, parce que nous. Voilà. Et moi, ça tombe très bien. Pour faire la transition, je rêvais mieux de parler. J'ai mis mon beau maillot jaune. Voilà, maillot jaune. Je ne pouvais pas trouver meilleure transition pour vous parler de vélos fabriqués en France et à la française. Je vous parlais de la maison Temboite. La maison Temboite, donc, c'est une vénérable maison qui a plus de 100 ans d'existence et on remonte vraiment au tout début. Donc c'est une maison qui est parisienne. Rue Saint-Nicolas, c'est juste derrière la Bastille. Alors j'ai rencontré la maison Temboite un peu par hasard. Alors j'ai absolument pas prévu ce genre de rencontre. C'était lors du cocktail au Grand Palais pour le Tour Auto. Qui avait lieu au mois d'avril. Et j'ai rencontré en fait Frédéric, le patron de la maison Temboite, avec sa famille. Ils sont venus faire les photos dans ma voiture. Et puis on a échangé les cartes. Et ensuite j'ai regardé sur Instagram. Et là j'ai découvert quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que vélo, il y a vélo et vélo. Ouais, et là, Temboite, c'est leur nom de famille. Alors c'est le nom d'un aïeul. Ah, voilà. D'accord. Ouais. Voilà. Ok. Exactement. En fait, c'est une maison. Qui est né après la guerre, en fait. D'accord. La première guerre. Ouais, la première guerre. En fait, je vais juste expliquer l'histoire. Donc, Léon Leno, après avoir passé quelques années comme directeur des vélos diamants, les vélos diamants, c'était c'était la Rolls du vélo français. Hein, il battait tout ce qui bougeait avec les vélos diamants. Il décide de créer sa propre entreprise de bicyclettes. Les vélos sont produits dans les ateliers de la rive droite à Paris. Et ensuite, vient le moment d'ouvrir une boutique, puis deux. Ainsi de suite. En 1914, qu'est-ce qui se passe ? La guerre est déclarée. La guerre. Et oui, à la sortie de la guerre, obligé de tout recommencer, hein, puisque forcément ça avait été détruit. Voilà. Donc Léon recommence à construire les bicyclettes sous sa marque Riche, aidé par son fils Henri. Les affaires sont très bonnes. Le père et le fils reprennent alors la marque de Maurice Temboite. Et de là vient le nom Temboite qui sera choisi donc pour la société. Fabricant de vélos de course, ainsi née la maison Temboite, donc qui deviendra la coqueluche des stars, puisque tout le monde achète des vélos de Temboite. Marianne Détrich, Charles Trenet, ainsi de suite. Voilà, c'était vraiment la marque à la mode. Mais il y a eu un petit problème dans les années 80. Alors, les années 80, effectivement, l'aventure s'arrête. Le marché n'était plus le même. On est comme arrivé sur un marché où les gens achetaient des vélos moins prestigieux. Les grandes surfaces sont arrivées, voilà. Ainsi de suite. Ouais. Et comme beaucoup de marques, ça a été un petit peu la fin de l'aventure. Mais c'était sans compter sur un des descendants de la famille, Frédéric, qui après une carrière dans la finance décide de remonter la boîte Temboite. La boîte Temboite. En gardant le nom. Et là, il décide donc de perpétuer un peu l'héritage de ses aïeuls. Et à l'aide de sa famille, hein, puisque sa femme, son frère, ils ont un magnifique mécanicien qui est un orfèvre. À partir de là, recommence l'affaire, donc 2014. Et ça se trouve où ? Toujours la Bastille, c'est ce que tu disais ? Alors, ouais, là, donc maintenant, c'est rue Saint-Nicolas, donc derrière la Bastille, hein, c'est vraiment tout près. Donc, ils ont un atelier, showroom. Ouais. Ils font quasiment tout sur place. Hein, 90% du vélo est fabriqué là. Il y a quelques étapes de traitement de surface, enfin le chromage, les cuirs. C'est du vélo sur mesure. Alors c'est du vélo sur mesure. C'est-à-dire que demain vous voulez un vélo, vous allez là-bas, ils vont prendre toutes les mesures. Alors c'est vraiment une étape assez complète. Hein. On vous mesure, on vous interviewe un petit peu pour savoir quel usage vous allez avoir. Mais la bicyclette, le vélo, c'est un style particulier. C'est un vélo commun qu'on peut utiliser. C'est un vélo de ville. C'est pas un vélo de course. Non, non, c'est un vélo de ville. Donc vous verrez les photos que je vais vous mettre sur la page. Donc c'est du vélo de ville. Donc c'est vraiment fabriqué au détail. Ça prend près de 3 mois pour faire un vélo. Il y a des étapes qui sont extrêmement longues, hein, puisque rien que le panier qui permet d'accueillir l'antivol demande presque 3 semaines de boulot à lui-même. Oui, d'accord. Voilà. Donc ça cible quand même une clientèle. Ça cible une clientèle aisée qui veut des vélos d'exception. C'est pour les gens qui ont l'habitude d'avoir des produits d'exception. D'accord. La clientèle est quand même à grande majorité étrangère. Oui. Frédéric me confiait qu'il allait souvent à Londres, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment une expérience. ils ont la chance d'avoir un mécanicien, comme je disais, qui est vraiment un orfèvre. Puisque tout est fabriqué, hein. il a quelques machines et il fait quasiment tout. Là. Si on peut donner un ordre de prix de ces. Ah, c'est de 11 à 13 000 ouais, euros. Clair, voilà. Donc c'est, oui, non, on est vraiment. Mais c'est du made in France. Oui, mais c'est bien de le voilà. signaler. Hein. C'est du luxe. Hein, c'est, ouais. voilà. Mais c'est, ça a vraiment le. Mais du coup, chaque vélo est différent ou, parce que si en c'est fait, un non, peu y a, personnalisé. Non, y a, en fait, il y a plusieurs vélos qui existent dans le catalogue. À partir ouais, de là, ils sont, vous pouvez choisir différentes couleurs, vous d'accord. pouvez le personnaliser. Enfin, mais la base est la même. Il y a également un vélo hybride. Hein, vous pouvez mettre un petit moteur hybride que vous pouvez gérer depuis votre smartphone. Donc, c'est un procédé qui est complètement. Qui est vraiment nouveau. Mmh. Hein, là, on est vraiment dans le 2.0 et sur un vélo qui. Plutôt vintage hein, d'aspect. D'accord. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Voilà. Mais chaque vélo est unique parce que je crois qu'ils sont numérotés. Et les vélos sont numérotés. Ça, hein, voilà, c'est, effectivement. Voilà, c'est vraiment on vous remet un livret avec tout le processus de construction, les photos, le pas à pas en fait, de la construction, de la fabrication et un petit organigramme qui vous permet de voir la provenance des pièces. Tant de pièces viennent de France parce qu'il y a des pièces qui viennent du Japon parce que les Japonais sont très forts sur certains produits. Voilà. C'est une expérience. C'est pour ça que justement, dans un coup d'œil dans le rétro, on n'est pas là que pour donner des informations sur les choses bon marché. Non, non, non, non, ça a vraiment. Oui, c'est, parce que c'est vraiment un produit de luxe. Exactement. Moi, je suis allé sur place. Hein, je suis allé voir les vélos. J'ai touché les vélos. J'ai eu les vélos en main. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et ça vraiment, voilà, c'est du savoir-faire français, c'est de l'excellence française. Et il faut mettre en avant ce genre de sociétés qui se lancent et qui ont l'audace d'aller chercher des marchés un peu différents. Voilà. D'accord, bah merci à toi, Jack, pour ces informations. D'ailleurs, tu vas tout relayer les vélos sur la ouais, page. Je vous mets des vélos dans quelques secondes. Et toi, Lucie, est-ce que tu as un vélo de luxe ? Comment tu te déplaces ? Non, mis à part à pied. J'avais un VTT, je faisais tout avec. Et l'été dernier, je me suis fait voler voilà. dans ma cage d'escalier. Ça, c'est le plus gros. Souviens-toi, l'été dernier, moi aussi. Non, mais je n'entends que ça, Colin. Mais ça, c'est moi aussi. Et par contre, aujourd'hui, on m'a parlé que rue Saint-Nicolas, il y avait un magasin de vélos. On pouvait louer. Le vélo au moins. Ah oui. Ça peut m'intéresser. C'est Vélostan. C'est toujours les Vélostan, oui. Oui bah c'est pas dire ça, les Vélostan, c'est sur Nancy en plus. C'était avant. On va t'expliquer. C'est bien différent des Vélib. Oui, voilà. Oui, c'est différent des Vélib. C'est les vélos rouges que tu peux louer voilà. au mois ici sur Nancy. Effectivement, c'est un peu plus simple. Et normalement, tu te les fais pas voler parce que c'est marqué un dessus, en gros. Oui. T'as le cana et donc le mec qui vole ça, il est un petit peu con entre nous. Mais. Les cons, ça hausse tout. Mais bon, c'est vrai que les cons, ça se reconnaît parce que ça hausse tout. Mais. Au final, c'est vrai que moi-même, je me pose la question à force parce que soit on dégrade volontairement les vélos des autres, donc ça, je trouve aucun intérêt ouais. non plus. On nous pique la selle, on pique les roues, on pique. Voilà. Alors, même de. Maintenant, souvent, dans les assureurs disent de numéroter les vélos. Hein, ouais. Ça demande rien, même de mettre un berger allemand, un Mirador. Les graver, de graver ouais, les vélos. Oui, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas retrouver ton vélo. Quoi. J'ai encore une copine qui s'est fait voler le sien. C'est un vélo rétro, un vieux vélo. Alors, ils aiment bien ça. Hein, ils affectionnent. Maintenant, aujourd'hui, ça se revend très facilement sur le Bon Coin. Et des prix plus élevés que le prix initial. Mais voilà, c'est dommage parce qu'on essaye justement de ne plus circuler avec des engins motorisés et puis on se fait voler. On ne se fait pas voler nos pieds encore pour l'instant. Voilà, rien de tel que la marche. Rien de tel que la marche. Allez, on poursuit cette émission, il est 17h42. On est toujours avec Lucie, entre autres, pour les visites de Lucie. On fera un dernier point avant 18h. Et il y a aussi, bien sûr, Jack et Anaïk. C'est la dernière de la saison. On s'écoute un petit titre avant de parler maillot de bain. J'ai envie, hein, c'est quand même l'été. Oui. Et pas mieux peut-être que les chats sauvages. Et un petit twist à Saint-Tropez de 1961, twist. Les amis. C'est l'été, profitez-en, vous êtes sur Fadjet. Tous chaleureuse ici pour s'amuser. Tous ont un jour appris à danser. Tous à Saint-Tropez. Oui, on vient partout dans le monde vers Saint-Tropez. On va sur la plage, mille visages, plus tard ils iront danser. Ouais, twist à Saint-Tropez. C'est plus qu'une radio. Allez, on est ensemble, c'est l'été ici sur Nancy, mais aussi partout en France, hein, peut-être que vous nous écoutez de loin, et on en est très contents. Et d'ailleurs, vous avez peut-être pu enfiler vos plus beaux maillots de bain saillants, n'est-ce pas Anaïk? C'est ce qu'on va parler d'ici une seconde. Alors, la mode des maillots de bain, c'est quoi cet été? Eh ben, j'ai envie de dire les maillots de bain des grands-mères, quoi. D'accord. Je vais résumer un peu l'idée. Le maillot de bain qu'on remonte jusque sous les aisselles. Non, pas le maillot de bain. Enfin, si, on marque un peu, mais bon, après, pour draguer, c'est un peu difficile. Pour briller sur la plage cet été, bah oui, bon, je. Peu draguer, voilà, je vais vous le dire, en fait, il faut fouiller dans les placards de mémé. Effectivement, les imprimés Vichy, les tailles hautes, les maillots de bain rétro, bah, font leur grand retour. Donc, désormais classique, bah, on peut en voir quand même pas mal sur les podiums. L'esprit rétro est devenu incontournable sur la plage. Oui. Ah, mais c'est vrai que ça fait un petit peu, ça fait quelques temps aussi qu'on revoit ces maillots de bain taille haute. Oui, c'est vrai. Donc, chez les femmes. Oui. Ouais. Chez les hommes aussi. Si, chez les hommes aussi. Mais l'avantage des maillots de bain rétro, c'est qu'elles mettent en valeur toutes les morphologies. Donc ça peut cacher les petites rondeurs, ça peut mettre en valeur les décolletés. Voilà. Donc après, il y a différentes formes. Alors une voilà. Pièce de pièce, comment alors, ça se passe? Bah il y a les deux en fait. Donc qu'il soit une pièce ou deux pièces. Chaque rigole. Les une pièce de pièce, c'est pas la. C'est pas non, non, rien du tout. Non, c'est les commentaires en direct de notre ami D'accord. Qu'est-ce qu'il Providence. D'accord, ok. Alors, le maillot de bain pin-up est plutôt bandeau, n'est-ce pas? Oui, donc c'est plutôt bandeau, bustier ou corbeille. Effectivement, il y a différentes formes. Donc, bien maintenu, la poitrine est joliment mise en valeur quand même, sans trop en dévoiler, parce qu'il faut savoir un petit peu cacher les choses. Suggérer, s'il vous plaît, madame. Voilà, tout est dans la suggestion. Maintenant, si vous avez une forte poitrine, vous pouvez. Ne pas mettre de maillot de bain. Ne pas mettre de maillot de bain. Oui, mais du coup, j'ai plus de chronique. Quoi, donc, ça c'est pour les naturistes. Alors au Cap d'Agde, le maillot de bain. Il faut savoir qu'effectivement le naturisme aussi revient fort chez les jeunes. J'ai vu une étude là cette semaine. Oui, ils en ont parlé à midi. Petit d'ailleurs. Aparté, voilà. Rien à voir avec mes maillots de bain, mais bon. Mais toi, tu suggères plutôt de mettre notre atout, enfin vos atouts, les femmes, en valeur grâce à des bustiers en armature. Voilà, donc évidemment qui dit maillot de bain deux pièces dit haut, mais dit aussi le bas. Et en bas, donc le bikini rétro à taille haute, effectivement, ou un peu la culotte bouffante revient aussi pas mal à la mode. Donc bien sûr, il faut la choisir aussi en fonction de la morphologie, encore une fois. Si vous avez des petites fesses. Des fesses plates. Un petit peu plates, pourquoi pas mettre un maillot de bain froufrou, en fait, ouais. Ça rééquilibre un petit peu le tout. Maintenant, pour les petits bédons, les petits ventres, vous pouvez penser au maillot de bain un peu galbé, à taille haute. Voilà, ça cachera un petit peu. C'est des moyens un petit peu détournés, un peu comme ça. Voilà, donc au niveau des couleurs et des motifs, les plus timides vont se tourner peut-être pour des maillots de bain un peu unis. Maintenant, il y a la couleur rouge aussi, qui est assez incontournable, qui fait rétro. Les tissus Vichy, les poils, les rayures. Hein, et bien sûr, je ne vais pas oublier les messieurs. Parce que les maillots de bain donc masculins n'échappent pas non plus à la tendance rétro. Et justement, Jack, je t'en ai acheté un pour cet été. Ah ben, merci. Je vais l'essayer direct. Ça tombe bien. On va faire une vidéo. Non, ça tombe bien. Donc, c'est des carreaux. Alors oui, des carreaux, mais il y a aussi des imprimés aussi qui font les grands retours. Le Vichy toujours, les rayures un peu Liberty. Vous pouvez aussi avoir des imprimés rétro avec des fleurs aussi, des oiseaux, des voitures américaines. Voilà, pour un petit look rétro sur la plage, je trouve ça assez sympa. Bon, écoute, c'est bon à savoir. Hein. Tu sauras dire qu'il faut que t'es maillot de bain slip, caleçon, ouais, maillot de bain, quoi, toi, boxer, maillot de bain. Comment dire boxer, on dira. D'accord, ok. Bon, oui, moi aussi, je suis un peu là-dedans. Enfin, moi, j'aime bien bandeau. C'est parce que j'ai des petites jambes. Ah, oui, t'as des cannes. Allez, oui. J'ai des cannes, donc je mets des bandeaux. Des cannes. Parce qu'effectivement, tu vois, quand on était jeune, c'était la mode des caleçons. Oui. Des caleçons de bain, donc c'était trop long, trop large pour moi. Ça faisait deux. Ça mettait pas en valeur. En fait, c'est celui que je trouve. C'est celui que tu trouves. Ah, oui, c'est le premier que je trouve. Ah, bon, voilà. Mais on peut aussi en acheter, voilà, et vous mettre en valeur cet été avec tous ces imprimés rétro. Alors, on poursuit cette émission. On va faire aucune transition. J'en ai pas envie. On est à l'écoute. Vous êtes à l'écoute, surtout d'un coup d'œil dans le rétro. Il est 17h48, mes amis. Et c'est ça passe vite. Ah, ça passe vite. Hein. Le moment avec vous passe très, très vite. On est avec Louise. C'est n'importe quoi. Non, la prochaine fois, peut-être. Je voulais l'appeler Louise. Lucie qui est toujours là. Tu n'es pas endormie, Lucie. Non, j'écoute avec attention. Avec attention. On va reparler un petit peu de toi d'ici quelques instants. On va aussi parler des sorties. Hein, parce qu'il est sorti au niveau local, voilà, dans notre belle région. Passe des choses au niveau du rétro, n'est-ce pas, Anaïk ? Tout à fait. Alors, en ce week-end, donc samedi, vous pouvez aller à la soirée Toute Danse donc avec Wilfried à la MJC Jarville de 20h30 à minuit et demi. D'accord. Samedi et dimanche aussi, à Neufchâteau, donc dans les Vosges, de 9h à 19h, les Amis des Tacos qui organisent leur premier rassemblement de vieilles voitures, voitures d'exception, bourse d'échange sur l'esplanade des Marronniers. Tu connais, Jack ? Et entrée gratuite et restauration sur place. D'ailleurs, pour les fans des voitures, vous pouvez aller voir sur le site retrocalage.com afin de trouver tous les événements autour du monde automobile. Tu savais, toi, Jack, ou pas ? Tu connais ? Alors là, ça serait mentir de dire oui. Donc tu connais pas. Et vous pouvez peut-être aller aussi voir Jack qui vous donnera des infos. Et d'ailleurs, juste la petite aparté, le 22 juillet, c'était c'est aussi un la première course automobile c'est en fait sur route. J'allais... Exactement. Oui, monsieur. Oui, en Normandie. Voilà, oui, monsieur. Exactement. À la moyenne de 20 km/h d'ailleurs. C'est ça. Je vais te dire précisément le 22 juillet. Le 22 juillet. En 94. Il y a un article la semaine prochaine là-dessus. Voilà. Alors, laissez-moi finir. Non. A lieu la première course automobile sur route, le record de vitesse sur le parcours Paris-Rouen. Exactement. Tenu par le comte de Dion, monsieur. Ouais, sur une 22 km/h. Et il est vrai que son prototype avec moteur à vapeur ne pouvait guère mieux faire. Il faudra l'arrivée du moteur à explosion de l'ingénieur allemand. Mais c'est quoi? Pardon, je n'étais plus là. J'ai tendu la perche chez l'ingénieur allemand Daimler pour que progressent les performances des automobiles. Tu savais pas ça, mon copain? Non, en fait, c'est pas ça. C'est que je regardais encore une bêtise de notre ami Steve Gett. Oui, faut que tu sois avec nous quand même. Hein. Cet été, si on va du côté de Gérardmer? Ah, Gérardmer. Donc, sur la place Albert Ferry, on vous invite fortement à découvrir le café Mémé Gérardmer. Oui. Alors, qu'est-ce que le café Mémé Gérardmer ? Donc, en fait, si vous avez envie de faire une parenthèse, Mémé Gérardmer va vous transporter vers le temps, un peu de l'épicier, du coin de la rue, de la 4 chevaux, de la mob du frangin, des vinyles, des bigoudis. C'est un lieu atypique à la fois qui fait café, épicerie et bazar, où l'on replonge dans les années 60 et 70. Mémé donc, propose une petite restauration fait maison. Il y a 30 places à l'intérieur et 20 en terrasse, donc je pense qu'il faut vraiment réserver. Et côté épicerie, pour la petite info, les chewing-gums, ça se vend encore à l'unité aux alentours de 15 centimes. Vous avez des graines de tournesol sucrées qui sont à 70 centimes, des malabars, des tatouages, voilà. C'est un peu le bonheur du passé au présent, un peu comme l'émission Coup d'œil dans le rétro. Et je vous invite fortement à aller boire un petit café là-bas. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on essaye un coup, nous en y allant, de faire une petite interview, parce que l'endroit promet d'être sympathique. Il est en activité depuis peu de temps. Et allons-y. Et j'ai envie de te dire. Je l'ai vu sur Vosges TV, je crois. On pourrait faire une émission coup d'œil là-bas. Et c'est vrai que ça serait bien. Ah, ça serait top. Ouais. En plus, c'est quand même assez sympathique. On irait se baigner après. Les Vosges en été, c'est assez sympathique aussi. Donc n'hésitez pas à sortir. Il y a aussi le mercredi 27 juillet, donc la semaine prochaine, de 18 à 20h, une initiation au Lindy Hop. Mais où irez-vous ? Eh bien, c'est à Mesplage, une des danses les plus iconiques de l'ère du jazz swing américain des années 30. C'est gratuit. Est ouvert à tous et une initiation pendant une heure. Dimanche 21 août, donc on va vous parler effectivement d'août parce que on sera en vacances, on sera plus là. Ouais. À Bussan, donc de 10h à 18h, rassemblement encore une fois de voitures de collection d'exception, spécial centenaire de la BMW et restauration et buvette, animation sur place. Et le dimanche d'après, le dimanche 28 août à Metz, au Parc des Expos. Donc il y a la première édition du Salon du Vintage avec 40 exposants passionnés, des expositions et ventes d'objets rétro, vêtements, meubles des années 50 à 80. L'entrée, c'est au prix de 5 euros. Donc pourquoi pas y aller faire un petit tour. Il y a pas mal de choses à faire finalement quand même. Et il y a aussi bien sûr les visites de Lucie. Oui. Elle part en vacances pour vous. Elle se sacrifie. Les visites guidées au rappel itinérantes à la découverte des témoignages architecturaux des artistes de l'école de Nancy. Lucie, n'est-ce pas, vous propose différents parcours commentés dans les quartiers de la ville. D'ailleurs, son petit fail est super sympathique. Ça a été fait par qui, ça? Ça donne envie. Eh bien, avec l'aide d'un graphiste, et les petites aquarelles sont de moi. J'ai voulu garder le côté authentique. J'aime bien tout faire moi-même. Et à la place de mettre des photos, une petite aquarelle, ça passe mieux. On peut le dire d'ailleurs aussi que tu es aquarelliste. Alors, t'exposes comment? J'expose en octobre tout le mois à la banque rue Saint-Dizier, qui est d'ailleurs un édifice classé monument historique, style école Nancy, en face terrasse du McDonald's. Avec... Société Générale. Voilà, oui. C'est sa Société Générale. Mmh, et donc pendant un mois, mes grands formats seront exposés. Ils ont un beau lieu d'exposition. L'accueil, il est assez bon. Voilà, c'est sympathique. Et l'an prochain, j'ai des dates, différentes dates, mais tout est sur mon site internet, lucie-colo.com. C'est incroyable, hein, multiplie tous ces talents, ouais, là, comme ça. Et donc tu mets on n'a pas le choix dans notre société actuelle. Mais c'est vrai, exactement. Si on n'a pas un boulot fixe, stable, on est obligé d'accumuler des choses. Tu sais comment ça s'appelle, ça? J'y ai appris dernièrement. La précarité. Alors, la précarité, entre autres. Alors on sort un peu du contexte d'un coup d'œil dans le rétro, mais ça s'appelle les slasheurs. Les slasheurs, ce sont des cumulards, hein, c'est le terme barbare, cumulards, d'activités, c'est-à-dire qu'on n'en a pas une, moi j'en fais partie aussi, que toi aussi, Jack. Exactement. Et donc on a, ou parfois certains ont une activité et aussi exercent leur passion autour, et donc de manière, pas salarié, en libéral, en freelance, et donc c'est ça. Mais il y a aussi les gens comme nous qui ne font que des activités plus ou moins indépendantes comme ça. Mais c'est très enrichissant, c'est passionnant. Donc on ne s'ennuie jamais, on n'a pas besoin de prendre de vacances. Voilà, c'est ça. Et les visites de Lucie, donc celle à ne pas manquer, tu disais c'est au mois d'août. Prochaine date, oui. Oui, mercredi 10 août, la visite pique-nique. Donc la dernière, donc sur réservation. D'ailleurs, toutes les visites sont sur réservation. C'est avec Pidélis, c'est ça? Non, la deuxième, c'est avec un traiteur. Ça va être plein de petites choses à déguster, buffet froid. Et du coup, ça a le mérite de nous faire découvrir aussi des gens qui font de la restauration. C'est ça. Il y a une mise en valeur à chaque fois des partenaires, des échanges, et ça reste très convivial, très charmant. Donc c'est de la découverte du début à la fin, en fait. C'est ça. Vraiment. Eh ben écoute, ça promet d'être sympathique. On peut rappeler aussi le site internet de Lucie, www.lucicolo.fr, si je ne me trompe pas. Et www.lesvisitesdelucie.com. Et sur Facebook, la page Instagram. Donc, la page Instagram c'est Lucie Colo. Ah oui, c'est Lucie Colo. Anaïk, tu peux nous donner la date de l'autre, la prochaine émission, la dernière émission? Alors, la première de l'année, qui sera en septembre, donc à la rentrée. Ça sera le 16 septembre. Oui, c'est ça, le troisième vendredi du mois. C'est la rentrée. Voilà. C'est la rentrée des classes. Avec pour nous, Jack, tu seras là? Petit sac. Oui, je rentre. Oui, je serai là. Ouais. J'ai pas mal de trucs. Je rentre le 15 au soir. Non, mais oui, je serai là. Ouais. Il y a un super festoche en septembre, Motors and Soul. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à parler. Il y a énormément de choses. Merci à toi, Lucie, en tout cas. Merci beaucoup. Reçu, c'est vraiment très gentil. Merci, bonne continuation. Et n'hésite pas bientôt à venir nous faire un petit coucou aussi pour nous dire s'il y a des changements d'autres parcours. Ouais, et vous, n'hésitez pas à venir en visite la radio Fadjet. Effectivement. Ouais. Même nous, en tant qu'indépendants, viendra te voir aussi. Exactement. Parce que moi, ça m'intéresse. Ouais. Et grâce à toi, je lève la tête. Alors, je me prends des poteaux, je rate des marches. Mais, une marche dans les crottes de chien. Mais c'est vrai que je me prends à regarder autour de moi et pas me dire que c'est simplement ça, c'est un bâtiment bizarre qui est mélangé avec un autre bâtiment et je ne connais pas les époques, je ne suis pas un spécialiste. Mais que finalement, tout ça, ça a une histoire. Et toi, cette histoire, tu la racontes. C'est ça, j'essaye. C'est ça. Et il est 17h56, mes amis, on va faire un dernier titre, on va se quitter là-dessus, mais ce titre n'en est pas des moindres. Tout le monde le connaît, c'est toujours le Serge parce qu'il nous affectionne. On va terminer la saison avec lui. Le soleil, la mer. C'est passé les vacances. Sex and Son. On vous remercie, on vous fait un gros gros bisou. Les programmes. Bonnes vacances à merci à tous. Bonnes vacances à vous tous. À bientôt. Les programmes continuent sur Fadjet. Restez à l'écoute tout l'été. À bientôt. Ciao, ciao. Bisous. Ciao. Le soleil au zénith, 20 ans 18, 17 ans à la limite, je ressuscite. Si Élite qui s'agite.